Odette et Marion, méharistes aux semelles de vent et une petite salade tiède de lentilles à la butternut rôtie. Écrit par Hélène Duguay-Zouvraz, lu par Armen pour audiocité.net. C'est un magnifique, un authentique, un émouvant coup de foudre qui emporte, à l'aube des sombres années 30, deux vies et lie à jamais le destin de Marcel, discrète mais déterminée, et celui d'Odette, fantasque et affranchie. Les amours saphiques, si elles ont été tolérées à la fin du XIXe siècle comme une incongruité d'artiste, sont vouées à une discrétion absolue et frappées d'un déni social puissant. On regarde ailleurs. Sur une page de son agenda, Marcel dessine, comme une adolescente, un attendrissant cœur transpercé d'une flèche amoureuse quand Odette, de 8 ans sa cadette, confie un courant secret est passé entre nous. Marcel Born-Kreutzberger laissera tout derrière elle pour suivre l'extraordinaire Odette du Puy Godot. Une bonne amie, son pays, jusque son nom, elle adoptera désormais le pseudonyme de Marion Sennon. Elle lève l'ancre toutes les deux en 1933 sur la belle hirondelle qui n'a rien d'un paquebot glamour. Il s'agit d'un Dundee, armé à Douarnenez pour la pêche langoustière le long des côtes mauritaniennes et à bord duquel elles prennent place aux côtés d'un équipage fruste et viril pour une aventure extraordinaire. Une photographie témoigne encore aujourd'hui de cette formidable joie de vivre, de l'enthousiasme rafraîchissant de ce couple d'amis et d'amantes, bérets crânement enfoncés sur leur coupe à la garçonne, vareuse et pantalons de drap enfilés, sabots de bois aux pieds, accoudés sur la barre à roues du pont de bois de la belle hirondelle. Les voiles sont encore ferlées, mais le départ est proche. Mais comment sont-elles arrivées là? C'est chose belle et émouvante de débarquer dans une île, de découvrir, prisonnier de l'océan, un petit univers né de l'acharnement à vivre, en dépit de toutes les forces adverses, d'un fragment d'humanité amené là par quelques rudes et mystérieux hasards. Quelle conquête, quelle leçon que ces petites terres semées autour de la Bretagne. Même si elle est plus jeune que Marion, c'est avec Odette du Puy Godot que tout commence. Cette jeune fille libre naît dans une étonnante famille d'armateurs et d'artistes en 1894 à Saint-Nazaire. Son père est un peintre impressionniste de l'école de Pont-Aven, ami de Gauguin, sa mère portraitiste. C'est dans cet environnement, autant bourgeois que bohème, implanté au Croisic, qu'elle se construit à l'aune d'une éducation libre, qu'elle grandit comme une herbe folle, follement libre. Elle s'affranchit en douceur en 1920 et pose ses valises à Paris, s'inscrit à la Sorbonne au cours d'océanographie, devient dessinatrice au Muséum d'histoire naturelle, puis au Collège de France, ainsi qu'auprès de la couturière Jeanne Lanvin. Très vite lassée des lumières et des artifices parisiens, elle retourne en Bretagne en 1928, obtient un livret maritime, une gageure pour une femme à l'époque, devient matelot embarqué à la pêche à bord de thoniers et de langoustiers, observant la vie à bord en Atlantique, au large de la Mauritanie, mais aussi la vie insulaire du Ponant, Ouessant, Saint, Molène, etc. Fort intriguée par le fonctionnement de ces sociétés matriarcales de fait. Elle en rend compte dans la presse parisienne de l'époque, encouragée dans l'écriture par son oncle écrivain Alphonse de Chateaubriand, descendant de qui vous devinez? Une famille en or, vous avais-je prévenu. À l'étroit dans son monde de journalisme d'exploration, qui a pourtant le vent en poupe, elle élargit en cercles excentriques ses terrains d'aventure et va contribuer à construire deux disciplines en plein essor, l'ethnologie et l'anthropologie. Le prestigieux et misogyne commandant Charcot refuse de l'embarquer pour une expédition au Groenland au prétexte qu'elle est une femme. Qu'à cela ne tienne, vieux barbon ! Tournant le dos au glacier du Nord, elle conçoit sa propre expédition en terre africaine et embarque avec l'amour de sa vie à bord de la belle hirondelle pour une plongée dans le sable du désert du Sahara occidental. 1 million de kilomètres carrés de sable qui s'étendent d'une seule nappe ondulée de dunes et de vallées étroites, coupées du nord au sud par des chaînes de montagnes tabulaires. Entre les douteux confins marocains et la ligne précise du Sénégal, entre l'Atlantique et les grands déserts soudanais. Pour la connaissance de ces sables, des hommes avaient donné leur force, leur jeunesse, leur science, parfois leur vie. C'était à ces sables que, leur dédiant une année de nos vies, nous allions demander de nous apprendre l'aventure. Odette du puits Godot, pieds nus à travers la Mauritanie, 1936. Le premier voyage saharien fut une révélation et sera suivi de nombreux autres. Il le sera aussi pour les Maures, qui parleront ensuite de l'année des deux dames. À leur retour, les deux femmes ont le souci de livrer à ceux qui ne sont pas partis ce qu'elles ont appris. Documentation précieuse de première main, collectée sur le terrain, portant témoignage de l'état de cette société nomade, encore à peine ébranlée par l'intrusion du monde moderne. Tout en restant fidèle à ses racines bretonnes, Odette du puits Godot consacrera dès lors sa vie au Sahara occidental, vie d'aventure au temps des derniers Redzou, vie scientifique et littéraire tournée tout entière vers le peuple maure, et enfin, toujours avec la fidèle Marion, pour remplir les missions de préhistoire et d'ethnographie dont les ont chargées divers ministères et sociétés savantes. Elle rallie Tombouctou par l'ouest afin de suivre l'Azalaï, l'immense caravane de plusieurs milliers de chameaux qui, une fois lents, remonte vers le nord à travers la partie la plus aride du Sahara en direction des mines de sel de Taoudéni. Au milieu des convoyeurs et des chefs de tribus d'un pays alors à peine pacifié, le voyage est rude et semé d'embûches qu'elle surmonte avec astuce en compagnie de leur fidèle cuisinier noir, Kouirou. Odette du puits Godot écrivit 8 livres, illustrés par Marion qui, disait Odette, dessine comme elle respire, d'innombrables articles et un traité d'ethnologie sur le peuple maure. À travers leurs travaux, écrits, dessins, aquarelles, photographies, se décline un tableau sensible de la Mauritanie traditionnelle avec ses coutumes. Scènes familiales sous les tentes, tumulte des danses et des tambours lors des fêtes collectives dans les campements, soirées plus intimes dédiées à la musique et à la poésie, activités des tisseuses de tapis, des tisserandes, des forgerons, geste du puisatier manœuvrant son chadouf, balancier de puits, du chamelier maîtrisant sa monture. On retrouve aujourd'hui dans leurs portraits et silhouettes Peul, Saracolé, Nemadj, pêcheurs imragouins, guerriers arabes, sages marabouts berbères, mais aussi coiffures emperlées et nattées, les enroulements des voiles qui encadrent les visages des femmes. Sans aucun doute, et surtout pour Odette, c'est dans son regard de femme porté sur le monde qu'on lit en filigrane son amour et son admiration pour toutes les autres femmes qu'elle aura croisées dans un chant et contre-chant qui résonne des îles bretonnes au désert mauritanien. Une maîtresse de chant psalmodiait des strophes qu'elle rythmait sur un tambour. 2 chœurs de femmes alternaient les réponses. La voix de la chanteuse était belle et grave. Celle des choristes avait une indicible et sauvage tristesse. Leurs chants étaient des hymnes pieux, l'histoire des prophètes, de longs récits d'exode. Autour du chœur, agenouillées, d'autres femmes dansaient religieusement, déployant des voiles noires contre la nuit bleue, lentes, silencieuses comme de grandes chauves-souris. Lorsqu'elles passaient dans le rayon du photophore, la lumière révélait un bras de suppliante dressé vers le ciel, un dos courbé, une nuque accablée entre des tresses alourdies de perles. Dans « Grandeur des îles », publié en 1944, Odette souligne le rôle essentiel des femmes et célèbre en elles leur âme virile et leur cœur sans défaillance. Agrippées au flanc des roches, penchées sur chaque aspérité, les Wessantines noires, l'air farouche, attendaient le bateau courrier. D'autres arrivaient en courant, se cherchaient une place avec des rires et des cris de vertige. Leurs jupes claquaient au vent comme des ailes. On eût dit une bande d'oiseaux marins, attentifs et querelleurs, venus là sécher leurs plumes. Deux fois la semaine, elles guettent ainsi. Tout leur vient de l'océan, qui souvent reprend le lendemain ce qu'il apporta la veille. Le vent étirait leurs chevelures sombres, les rubans noirs de leurs bonnets, les longues franges de leurs châles. Elles semblaient flottantes au soleil, comme des algues dans un courant. Après près d'un demi-siècle de vie commune, Marion s'éteignit dans les bras de sa douce à Rabat, où elles avaient posé définitivement leur mal en 1961. Quant à Odette, elle ne rendit son dernier souffle qu'à 96 ans, toujours aux portes d'un désert auquel elle avait consacré sa vie. Une bien belle complicité qui traversa le XXe siècle comme un pied de nez aux conventions et aux scléroses des sociétés humaines qui ne vont pas si bien, au fond, à l'aube du XXIe siècle. On partagera donc, sinon un plat de lentilles, du moins une jolie salade de lentilles blondes aux épices douces, aux herbes fraîches, aux tomates confites et à courge. On se damnerait presque pour ce plat de lentilles au parfum d'Orient. On y laisserait volontiers son droit d'aînesse. Pour 4 méharistes brûlés par le sable du désert, 160 g de lentilles, par exemple blondes ou vertes du puits, 3 feuilles de laurier, 2 branches de thym, quelques feuilles de persil plat, 3 carottes, un oignon, une petite gousse d'ail, quelques quartiers de tomates séchées confites à l'huile d'olive, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cumin moulu, poivre du moulin, une cuillère à soupe de tahini, pâte de sésame qu'on trouve facilement dans les épiceries bio et ou asiatiques, un citron bio, zeste et jus, fleurs de sel de Guérande, piment, huile d'olive, une demi-butternut bio et un petit pot de coulis de persil plat. Toujours sur guezou.canalblog.com, archive du 11/7/2014. Cuire les lentilles dans une grande casserole d'eau, surtout non salée, cela rallonge le temps de cuisson. Avec le thym, les feuilles de laurier et les tiges du persil. Comptez une quarantaine de minutes de cuisson. Pendant ce temps, égrenez, pelez et détaillez en petits dés la butternut. Versez les petits dés dans un sachet hermétique, type sachet pour surgeler. Versez un filet d'huile d'olive, du poivre et du cumin moulu, ainsi que de l'origan dans le sachet. Le refermez, bien répartir les ingrédients pour enrober les dés de butternut. Versez le tout sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et enfournez four doux, chaleur tournante, 160 degrés, pour une demi-heure. Égouttez et réservez les lentilles tout en gardant un petit bol d'eau de cuisson. Pendant la cuisson des lentilles, émincez l'oignon et détaillez les carottes pelées en petits dés. Faire suer l'oignon et les carottes dans un peu d'huile sans les laisser dorer. Les légumes doivent commencer à cuire et s'attendrir un peu, c'est tout. Ajoutez les épices, curcuma, cumin et poivre, ainsi que le piment et pépiner si l'on veut éviter l'incendie. Finement émincer, puis couvrir et laisser compoter à feu doux. En fin de cuisson, ajoutez les lentilles, la butternut rôtie, les tomates grossièrement hachées, le jus du citron, un demi-zeste de citron très finement râpé. Délayez le tahini dans un peu de bouillon de cuisson des lentilles et l'ajoutez au mélange. Ciselez les feuilles de persil et en parsemez toute la surface de la salade. Terminez par un voile de fleur de sel de Guérande.